بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره متفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس النفاق العملي القسم الثاني من النفاق la deuxième catégorie du An-Nifaq qui s'appelle An-Nifaq al-Amali. On peut lui donner aussi comme appellation An-Nifaq al-Asghar. نعم. كما قال يعني بعض العلماء في النفاق الاعتقادي أنه نفاق الأكبر فإذا l'autre c'est le nifaq qui est asghar. نعم. An-Nifaq al-Amali, c'est quoi sa définition? Les œuvres qui ressemblent aux œuvres démocratiques. نعم. Non, c'est les actes, exactement, c'est les actes yani, qui font que la personne aura une forte ressemblance avec Al-Munafiq, la siyama, les cinq yani, qui sont cités. Et il a évoqué Kadalika Al-Barawi, Kadalika Andrab est une norme yani, pour le Al-Nifaq Al-Hamali. Tarq Muhafadati Al-Amal Sirra wa Murahatuha Al-Anan. Le fait d'être assidu à faire des œuvres en public et de le délaisser lorsqu'il est tout seul ou bien en privé. Naam. Fahada yani un khilaf yani baynahuma. Alors que l'iman, si jamais l'iman est sahih, où qu'il soit, inshallah tabaraka wa ta'ala, normalement les œuvres on les trouve. Les œuvres on les trouve. Naam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, tu'ti ukulaha kull hinin bi'idni rabbiha. Lorsqu'il a évoqué le misal par rapport à l'iman ou par rapport à tawhid. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني الله عز وجل هونا يلفك يعني لباس التوحيد si jamais le توحيد il est ancré dans les cœurs il donne fruit il donne naissance à des œuvres قال سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين donc à chaque moment que ce soit en privé ou bien que ce soit en public Yani on trouve les œuvres à partir du moment que le tawhid est dans le cœur. Par rapport à cette ayah là. Naam, qala subhanahu wa ta'ala, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah. Alors c'est tawhid. Et tawhid min asma'iha al-kalimat at-tayyibah. Qala ki shajaratin tayyibah, qala al-ulama huwa an-nakhl. C'est le palmier. Qala asluha thabitun, sa base elle est bien enracinée. Qala far'uha fi as-sama'. Far'uha, c'est ce qui en découle de ce tawhid, c'est-à-dire les œuvres. Qala tu'ti ukulaha kull hinin bi'idni rabbiha. Et elle donne naissance à des fruits dans, à n'importe quel moment. Comme qala subhanahu wa ta'ala. Tu'ti ukulaha kull hinin bi'idni rabbiha. Fakadalika al-mukhlis lillahi azza wa jal. Fait où qu'il soit, que ce soit en privé ou bien en public, on retrouve les mêmes œuvres. Fait comme on a pu voir, ça c'est, inshallah wa tabarak wa ta'ala, c'est un tanbih. C'est une alerte yani, pour nos cœurs afin de faire bien attention à nos œuvres et d'avoir une conformité dans les œuvres, que ce soit en public ou bien en privé. Naam. Et catholique, yani, parce qu'on peut tomber aussi dans l'autre extrême, c'est le fait qu'il se dit si je ne fais pas ça en public parce que je n'ai pas envie que les gens ils disent oh, mashallah, yani, il fait beaucoup d'ibada. Ça aussi, ça peut tomber dans le riya, comme il a dit Al-Fudayl ibn Iyad. رحمه الله تعالى قال ترك العبادة رياء أو الشرك ترك العبادة رياء ترك العمل نعم قال ترك العمل للناس شرك أو رياء le fait de délaisser des œuvres yani pour les gens il dit ça fait partie du ria donc il n'est pas sorti il avait peur de ria لكن il est tombé comme كذلك dans ria il n'est pas sorti de ria فقال j'ai posé la question à Sheikh Sahid Da'as, rahimahullah ta'ala, par rapport à cette parole de Fudayl, il a dit parce que le fait de délaisser une œuvre, c'est une œuvre. Délaisser une œuvre, c'est une œuvre. Donc le fait que tu l'as délaissé pour les gens, c'est comme si jamais tu avais œuvré pour les gens. Parce que délaisser une œuvre, c'est une œuvre. Tarkul amal, amalun. Tarkul amal, amalun, naham. Fa, l'insan, quoi qu'il en soit, yatawakkal Allah subhanahu wa ta'ala wa yukhlis qalbah. Et il fait la dua. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka li kulli dhunubin la a'lam. Il fait cette dua là. Naam. Fa يتوكل على الله عز وجل ولا يقع في dans les طرفين يعني النقيرين dans l'extrême dans le ria ou bien dans le nifaq. Ensuite il est évoqué يعني par rapport à ce nifaq al-hamali خمسة علامات و خمس علامات qui sont نعم إذا حدث كذب. Ensuite إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. La troisième إذا تؤمن خان. نعم إذا تؤمن خان. La quatrième وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. La cinquième وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر نعم إذا كذا إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر نعم أحسنت et tout ça يعني surtout يعني par rapport à وإذا وعد أخلف comme on a pu voir يعني des fois tu peux يعني dire une chose et pas tenir ta promesse est-ce que ça rentre dedans à bah, quel moment ça rentre dedans متحمدًا détaille un peu plus. Ah là où yani, au moment où il te fait cette promesse là, il la tient pas dans son cœur. C'est une promesse qui est sur l'isan, qui est la kin qui est pas موجود, qui est pas présent dans le cœur. Ah là où. كذلك إذا حدث كذب. Il le fait volontairement, il sait qu'il est en train de te mentir là à ce moment là. فهذا كذلك سأهون بالنفاق. تام. Ça c'était ce qu'on a pu voir hier, yani, de manière générale. قال رحمه الله تعالى قال معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه كما الذي رؤوس أنواعه بس كالطاغوت في الحقيقة يبكد أنواع يبكد أنواع لكن ها هنا يبى يبكي لتات تام لبلي on va dire les grosses têtes يعني de طاغوت بس كالطاغوت أولا ما هو الطاغوت يعني لغة ça vient du verbe طغى يعني التجاوز lorsqu'une chose يعني déborde ومن ذلك يقول سبحانه وتعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني par rapport à Nuh lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé avec le bateau. Faqal subhanahu wa ta'ala inna lamma tagha al-ma, et lorsqu'on a fait déborder l'eau, yani de la surface de la terre. Hamalnakum fil jariya, al-jariya bima'na safina. Tam at-taghut c'est ma'khoud min dhalika al-fi'l, tagha at-tajawuz. Lorsqu'une chose yani déborde ou bien il dépasse les limites. Tam ça vient de ce verbe là. Amma shar'an qala Ibn Jarir rahimahullah ta'ala qui est un des premiers à avoir yani écrit un tafsir. المهم هذا الإمام رحمه الله تعالى après avoir évoqué comme les paroles de salaf من الصحابة والتابعين par rapport à طاغوت certains ont dit الساحر d'autres ont dit الكاهن d'autres ont dit الشيطان إلى آخره فقال هو رحمه الله بعد ذلك قال والصواب عندي comme la vie qui est le plus juste pour moi قال كل ذي طغيان على الله عز وجل هذا c'est un ضابط qui est جيد كل ذي طغيان على الله عز وجل toute personne qui aura dépassé les limites vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura avisé comme ordre l'akhirihi fahada yadkhulufi à partir du moment que c'est une sifa qui devient quoi lazima lahu c'est une habitude chez cette personne là de dépasser les limites de dépasser les ordres et de s'engouffrer dans les interdits tam fahada yuqal tari sahada yuqal tari wa yuqal kadhalika tagut in shi'ta tari c'est ism fa'il de tagha taqul hada fulan yani huwa tari bima'na huwa alladhi tagha الذي طغى طاغي بمعنى الذي طغى طاغوت بمعنى الطاغي سوف كو يعني سي صفه مبالغه سي زياده فيه سي زياده في طاغي فالطاغوت سي اشد من طاغي سي اشد من تمام سي كم طاغي قال رحمه الله قال كل ذي طغيان على الله عز وجل طغيان بمعنى التجاوز كل من عنده تجاوز تدير كو بارابور aux ordres ou interdits et c'est une sifa qui est lazima ذي بمعنى صاحب dans la langue arabe. Yani sahib al-shay, yani c'est comme si jamais c'était le compagnon de cette de choses qui sortent de la limite d'Allah de ce qu'Allah Azza wa Jalla il a limité. Naam. Fa hada yadull ala anna at-taghut, on peut pas dire ça yani d'une personne qui le fait une fois. Yani tu dis fulan taghut, hada la yajuz. Yani la budda yakun liman kana yakun dhalika sifatuhu. C'est une sifa, c'est devenu une habitude chez cette personne là. Kama qala ismun لكل ذي طغيان لكل ذي طغيان نعم فهذا هو يعني الطاغوت في الحقيقة Ça, c'est une définition qui, Bartlofik, qui englobe bien tout ce qu'on peut dire à Salaf. Tout ce qu'on peut dire à Salaf. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs au niveau de Ru'us. Wa qala al-ulama, Tarut, tu peux l'utiliser pour le singulier, le féminin, pluriel, le duel. Tu peux dire, mathalan, ha'ula'i Tarut. Et tu peux dire, hada Tarut. Wa taqul hadhihi Tarut. C'est un nom qui est utilisé, il y en a pour tous les genres. Pour tous les genres. Naham. Au contraire de Tari. Tari, tu peux utiliser simplement pour Al-Mudhakkar, Al-Mufarad Al-Mudhakkar. Tu peux dire Hada Fulanun Tari. Tu ne peux pas dire Mathalan Hadihi Tari. Tu dis Hadi Tariya. Naham. Fatarut, yani min hithu al-istamal, fa yustamal li kulli al-ajnas. Li kulli al-ajnas. Zakaran kana, ou untha. Jam'an. Tasniyatan ou mufarada. Tu peux utiliser dans tous les genres et les nombres. Naham. Ça, c'est par rapport à la loura. Et al-ishtiqaq, qala al-ulama, asluhu taghwut. Qala ba'duhum, asluhu ash taghwut. Ensuite, il y a une illa sarfiya. Yani par rapport à ce qu'ils avaient dans sarf, c'est devenu taghwut. Tam. Al-aslu taghwut. Kajabarut. Tam. Kajabarut. Wa malakut. Wa qala ba'duhum, al-aslu taghyut. Yani ikhtalafu fihi. Est-ce que c'est le asl, yani de. À la fin, yani la alif maqsoura, tagha. Est-ce que c'est un ya ou bien est-ce que c'est un waw? Ikhtalafu fihi al-ulama. Qala ba'duhum taghyut asluhu ou plutôt taghut asluhu taghyut. Wa qala ba'duhum asluhu taghwut wallahu a'lam. Par rapport à ça wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Al-muhim at-taghut hadha huwa yani lughatan. Lughatan c'est at-tajawuz. Tam. Wa shar'an ismun li kulli dhi tughyan 'ala Allah 'azza wa jalla kama qala al-imam Ibn Jariyah rahimahullah ta'ala. Hadha c'est une bonne définition. Ensuite, il y a la définition de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui fait la haqiqa, yani elle est mufassal. Elle est un peu plus, comment ça s'appelle, définie dans le sens où elle évoque, yani dans quelle catégorie il peut dépasser les limites. Amma celle-là, elle te montre que toute personne qui a dépassé les limites et qui devient sifa lazima, on peut appeler cette personne atarut. C'est-à-dire que atarut, comme en qala al-ulama, ça peut être utilisé pour le mubtadi'. المبتدئ لا شك ولا ريب فيه سي يعني تجاوز الحد يعني تجاوز السنه il est sorti de la sunna يعني c'est une sifat qui est devenue lazima lahu المبتدئ tu peux lui dire sans tarout لكن كما قلنا comme on a pu évoquer dans le dars السابق avec munafiq الانس لما تجي تاغوت à quelqu'un pour eux خلاص يعني c'est quelqu'un qui est sorti de l'islam لكن الطاغوت في الحقيقه يعني لغه si on revient à la langue arabe on voit que tarout c'est بمعنى التجاوز. Wa at-tajawuz c'est pas seulement que dans le kufr. At-tajawuz fi al-mahsiya, at-tajawuz fi al-bid'a, at-tajawuz fi al-kufr, at-tajawuz fi al-nifaq, at-tajawuz yani fi ashiya kathira. At-tajawuz fi ashiya kathira fa al-mubtadi' hatta al-'asi, hatta al-fasiq, al-fajir, les personnes qui ont l'habitude et c'est devenu lazim lahum yani al-'isyan qui sont connus pour cela, tu peux dire hada fulan tagut. Limadha li'annahu tajawaza al-hadd fi dhalik wa hada muhim jiddan. هذا مهم جدا parce que الان الخوارج ومن نحى نحوهم كالقاعده والى غير ذلك من تلك الجماعه الضاله يبخل مثلا لايه وقد امروا ان يكفروا باي بالطاغوت تمام اي يديز مثلا que le hakim c'est un tagout yani le tagout pour eux c'est que le hakim celui qui a yani qui a jugé par une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani pour eux tagout c'est quelqu'un qui est kafir forcément, tu vois. Donc ça, ça c'est une compréhension qui est fausse au niveau de la loura. Lorsque tu prends à la base la loura, c'est une compréhension qui est fausse. At-tagut, ça n'a jamais été utilisé pour simplement yani, définir la mécréance. Lakin, ce terme-là, il a été utilisé pour définir toutes choses dans lesquelles on a dépassé les limites dans les choses dont Allah Azza wa Jalla a légiféré. Allah Azza wa Jalla haddada hududan. Haddada hududan, il a mis des limites à sa religion. Il ne faut pas les dépasser. Fa kullu man kharaja min. فها on peut dire que c'est un tarout. نعم. Comment? Comment? Oui. Ça عليهم. Ça عليهم. C'est pas pour eux. نعم. Et tu peux aussi les comment s'appelle les qualifier par cela parce que voilà, c'est des mubtadi'a et c'est parmi les ru'us yani des mubtadi'a. C'est même la première secte yani qui est sortie dans l'islam. La première des sectes qui est sortie dans l'islam, c'était la secte des al-Khawarij. أو لهم الأولون أولهم الخوارج نعم سلسك دي سك نعم On va évoquer, inshallah, quelques paroles des ulama qui montrent yani, que tu peux utiliser le terme tarout pour une chose qui est autre yani, que la mécréance. Maintenant, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, fait tafsiri. Il dit, par rapport à qu'on subhanahu wa ta'ala, وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ وَاشْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَهَا هُنَا عَنْدَ هَذِي الْآيَةِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ta'ala, toute personne adorée en dehors d'Allah azza wa jalla qala ka shaytan donc là c'est des exemples qala ka shaytan wal kahin was sanam wa kull man daha ila dalal al shaytan al kahin as sanam qala wa kull man daha ila dalal toute personne qui appelle à l'égarement des personnes qui appellent à l'égarement il y a des koufars il y a d'autres qui sont pas des koufars de mubtadi il appelle à l'égarement al asi il appelle à l'égarement lakin c'est pas un kafir donc là ça nous montre que al qurtubi فهم من معنى طاغوت ما لم يفهم هؤلاء الخوارج يعني c'est un sens qui est beaucoup plus large فإلى intégré dedans toute personne qui appelle à l'égarement وكذلك الإمام فيروز آبادي يعني qui fait partie des علماء de اللغة فقال في قاموسه dans son dictionnaire قال الطاغوت قال اللات والعزة يعني celle qui s'est adorée à l'époque de Nuh قال الكاهن والشيطان وكل رأس ضلال des personnes qui égarent les gens, des égareurs, je crois pas ça se dit. Il y en a toute personne qui égare autre personne. Fahala yusamma kadalika tarout. On l'appelle kadalika tarout. Wa qala al-shaykh ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kama fi usul al-salatha, fa qala rahimahullahu, qala fahadduka an takuna abdan muti'an lillahi azza wa jal. Il a expliqué la parole d'Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala à venir. Il dit, yani, ce qui convient au abd, c'est d'être obéissant et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idha tajawasta, si jamais tu dépasses cela, yani l'adoration et la soumission, qala faqad ta'addayta wa kunta taghutan bihadha ash-shay' alladhi fa'altahu. Et si jamais tu ne respectes pas les limites qu'Allah azza wa jalla t'a mis dans l'obéissance ou bien dans l'adoration, il dit par cela, tu as dépassé les limites et tu es devenu un taghut par rapport à ce que tu viens de faire. Thumma qala faqad yakuna kafiran, il peut être kafir. Ça dépend de la chose dont il aura fait. قَالَ وَقَدْ يَكُنْ دُونَ ذَلِكَ Et ça peut être en dehors de cela, yani en dehors de la mécréance. Donc ça nous montre bien que lui aussi, il a compris que At-Tarut, ça peut être utilisé pour les choses dont la personne a dépassé les limites qui font sortir de l'islam ou bien qui font sortir de la sunnah. Et il y en a d'autres encore. كَثِيرًا جِدًا مثلا الشيخ العثيمين رحمه الله يعني c'est bien de l'évoquer parce que c'est un alim qui est, dont sa parole est très considérée. قال علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طغاوت نشرح السوء الثلاثة إذا رحمه الله تعالى لعلماء السوء الشيخ العثيمين قال علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر لعلماء السوء لموضع علماء الذين يدعون إلى الضلال والكفر ce qu'ils appellent à l'égarement et à la mécréance قال أو يدعون إلى البدع، ce qu'ils appellent البدع، أو إلى تحليل ما حرم الله، de rendre illicite ou plutôt licite qu'Allah عز وجل a rendu licite، ou bien inverse. قال هؤلاء طغاوت. Ensuite, يعني ça différencie le. Ici, moi j'ai 151 لكن selon la tabra. Donc ça c'est quelques paroles des ulama. كذلك on va évoquer la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. Parce que des fois ils prennent يعني هؤلاء الخوارج certaines paroles, yani, on va dire mutashabih, des paroles yani, qui ont un sens qui est un peu large, yani, et ils l'utilisent au sens yani, dont ils veulent. Yani, malgré que la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ce n'est pas un dalil. Lakin pour montrer que hatta yani, dans l'égarement, dans la manière dont ils font l'istidlal, dans la manière dont ils comprennent les choses, eh ben, ils sont dans l'erreur. Faqala rahimahullah ta'ala, kama fi durar al-sinniyah, le premier volume, la page 137. فقال الطغاوت كثيرة الطغاوت كثيرة ينبلا قال والمتبين لنا منهم خمسة يعني ceux qui sont les plus flagrants parmi ces رؤوس ينا سان قال أولهم شيطان ثم قال حاكم الجور حاكم الجور c'est-à-dire le حاكم qui est injuste قال وآكل الرشوة celui qui ya'kul ar-rishwa. Qala man 'ubida fa radiya, celui qui était adoré et qui agrée cela. Qala wal 'amil bighayri 'ilm, wal 'amilu bighayri 'ilmin, fa qala hawla taghut. Il n'y a pas seulement que ça devient une sifa qui est lazima. Tout le temps il mange ar-rishwa, tout le temps yani ilav yani bila 'ilm, c'est pas son problème de savoir est-ce qu'il y a un dalil sur ce qu'il fait ou pas. Daiman hadha hiya sifatu hadha, on peut évoquer ces personnes là comme étant des tarot, comme on a dit. Tam likulli maqam maqal. Tam hadithu an-nas bima yafhamuna aturiduna an yukadhiba Allah wa rasuluhu kama qala Ali ibn Abi Talib. Yani selon la compréhension des gens. Si tu dis tarot comme on a pu voir, ils vont dire ah, celui-là il nous a sorti l'islam. Lakin ça c'est pour montrer que tu sais, un nom qui peut être utilisé pour toute personne qui aura dépassé les limites dans les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a limité. Donc ça c'était une muqaddima qui était importante, yani par rapport à ma'na at-taghut. Naam. Naam, hatta qala al-shaykh al-islam rahimahullah fa qala rahimahullah ta'ala qala par rapport au taghut. Qala huwa ismu jinsin yadkhulu fihi ash-shaytan wal-wathan wal-kuhan والدرهم والدينار وغير ذلك. فقال اسم جنس يعني c'est un nom de, je sais pas comment on dit ça en français, يعني un nom qui englobe يعني d'autres choses, un nom d'espèce. Un nom d'espèce يعني qui englobe يعني beaucoup de choses. Parmi cela, قال الشيطان والوثن, c'est-à-dire la chose qui est adorée. Alors وثن et صنم. الوثن c'est la chose qui est adorée et qui n'a pas forcément une image. نعم. C'est-à-dire c'est beaucoup plus large que Asanam As-Salam, c'est une statue, donc c'est une image, c'est une forme. Okay. Et le wathan, ça peut être tout sanam, c'est un wathan. Tout sanam, c'est un wathan. Yani sanam wa wathan, c'est les choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azzawajal. As-Salam, c'est la statue qui est ma'roufa. Elle a un shakl, elle a un genre. Amma al-wathan, ça peut être le sanam, c'est-à-dire une chose qui est une statue, qui a une forme, qui a une image, ou bien une chose qui n'a pas de forme et pas d'image. Mathalan, al-qabr. Comme ceux qui adorent les gens qui sont dans la tombe, مثلا تحت الارض. تمام. فالوثن c'est اهم. قال والكهان, ceux qui prétendent l'avenir. قال والدرهم والدينار. فإلى évoqué parmi les choses qui rentrent dans ta route, الدرهم والدينار. Pourquoi? Parce que الدرهم والدينار يعني sont adorés en dehors d'Allah, dans le sens comme في الحديث قال تعيسى عبد الدينار. Il y en a celui qui adore les dinars. C'est-à-dire qu'il fait comme si aimait le dinar, c'était sa divinité. Donc c'est-à-dire qu'il va tout faire pour le dinar. Qu'il obéit à Allah ou qu'il ne le désobéit pas, il va faire tous les mustahils, tout l'impossible pour avoir ce dinar-là. Enfin, si jamais l'argent le fait dépasser les limites, dans le sens où il ne répond pas aux obligations, et il rentre dans les interdictions, فَهَذَا فِي الْحَقِيقَ le dinar, c'est devenu un tarot بِنِسْبَةِ لَهُ. C'est devenu une chose qui le fait dépasser les limites. Tari lahu. Fahuwa mutri. Ça le fait dépasser les limites. Donc là, il évoque bien que même l'argent peut être considéré comme un tarout. Et par rapport à la personne, yani selon comment il va utiliser l'argent. L'argent en lui-même, c'est pas un tarout. Lakin, selon la personne qui va utiliser cet argent-là, à bon escient ou à mauvais escient, on va dire que c'est un tarout, yani l'argent, par rapport au fait qu'il aura mal utilisé. Fahada kadalika, c'est un os. Le Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, la page 565, le volume 16. Ça aussi, c'est une parole qui était importante d'évoquer. Et là, on voit Kadaïka, que sa définition a rejoint la définition de l'imam al-Mufassir ibn Jarir. Lorsqu'il a dit, rahimahullah ta'ala, qala, ismun li kulli dhi tughyani ala Allah. Ismun li kulli dhi tughyani ala Allah, ya azza wa jal. Donc, c'est un nom qui est un nom de genre, yani qui est dans lequel tu vas retrouver beaucoup d'espèces. Naam. Donc, yani pour revenir, at-tarut, lughatan, ça vient du verbe tara, dépasser la limite. Naam. Et shar'an, c'est ismun li kulli dhi tughyani 'ala Allah. Un nom de genre qui englobe yani toute personne qui aura dépassé les limites dont Allah subhanahu wa ta'ala a limité. Et comme on a dit, à partir du moment que ça devienne sifa lazima lahu, que ça devienne une habitude pour ces personnes-là de dépasser, de transgresser. Fahada fil haqiqa, on peut l'appeler tarout, et il y a beaucoup de choses. On peut appeler tarout, yani binisbati lil fa'il, par rapport à toi, par rapport à la personne qui fait. Ou bien aussi kadaika binisbati lil maf'ul, yani pour celui vers qui il va faire passer les limites, comme l'argent, comme on a pu voir. Comme l'argent fait le haqiqa, fait rien du tout, elle est immobile. Lakin al-insan yani taharrukuhu ila dinar wal dirahim, et l'argent ça va le faire dépasser les limites et transgresser yani dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça peut être utilisé pour le fa'il ou bien bi nisbati lil maf'ul. N'am. Fa hadha huwa at-taghut. Hadha huwa at-taghut. Et on peut l'utiliser comme on a pu voir pour le féminin, le masculin, le duel, le pluriel et le singulier. C'est ram. قال رحمه الله تعالى قال اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. قال اعلم معنى c'est une kalima comme on a pu voir يعني تؤتى للأهمية pour les choses qui sont importantes. اعلم بمعنى كن متعلما يعني prend connaissance de ce qui va suivre. Et généralement on l'utilise, ce terme-là, on l'emploie pour les choses qui sont importantes. On ne dit pas i'lam pour une chose qui n'a pas, d'importance. Ça, c'est une kalima qu'Allah Azzawajal, il a utilisé fait kitab Allah Azzawajal wa kadhalika rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam pour évoquer les choses qui sont très importantes. Donc, l'insan, il se doit d'utiliser les choses comme elles se doivent d'être utilisées. I'lam, c'est pour les choses dont il y a une importance derrière. I'lam annahu la ilaha illallah ou fa'lam annahu la ilaha illallah. اعلموا ان من حياه الدنيا لعب ولهو الى اخره يعني فهم الايه ضع الله عز وجل الى تلي سترم لا اعلم اي بمعنى كن متنبها متعلما سو attentif et prend connaissance de ce qui suit. رحمك الله فهذا سي une habitude chez cet imam là يعني dans sa da'wah il fait preuve de rahma, il fait preuve de rifq. Et ça c'est important اولا parce que l'insan يعني la personne qui lit ce genre d'épître, il voit que l'auteur il a fait une dua, yani ça va être une asbab que il va accepter yani ce que va suivre. Il va voir une bonne kadalika, une husnul dhann de cette personne là. Il voit que cette personne là fait le haqiqa, il le veut du bien. Yad'u lahu rahimakallah. Wa qala al-ulama kadalika ya in munasaba, dans le fait de dire i'lam et ensuite de ramener rahimakallah. Donc il évoque le ilm et ensuite il évoque al-rahma. قال العلماء لأن العلم مبناه على رحمة. Le ilm il est basé sur quoi? La rahma. فمن تعلم رحم نفسه. Celui qui apprend رحم نفسه. من حيث il va savoir يعني les choses dont il ne doit pas dépasser. Il va savoir يعني les حقوق يعني. C'est-à-dire qu'il va pas être un ظالم. يرحم نفسه. Et كذلك يرحم غيره. من حيث il leur fait pas du ظلم parce qu'il sait que ça c'est haram. فيرحمهم. وكذلك يعلمهم et ça fait partie من تمام الرحمة qu'il enlève l'année le jahl عن نفسه وعن غيره ولا يظلم نفسه ولا غيره فهذا ça fait partie de comment ça s'appelle de la rahma يعني c'est من ثمرات العلم العلم ورحمة كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين et nous ne t'avons qu'envoyé qu'en tant que miséricorde يعني pour cet univers. فالعلماء قال بماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم il a été envoyé par quoi كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Donc يعني الرحمة par laquelle est venu النبي صلى الله عليه وسلم c'est quoi? C'est الهدى ودين الحق. الهدى قال العلماء العلم النافع, la science qui est bénéfique, profitable, c'est-à-dire que la science qui donne naissance à des œuvres, qui donne naissance à دعوة. نعم. قال ودين الحق بمعنى العمل الصالح, بمعنى العمل الصالح. فالعلم هو رحمة, العلم هو رحمة. نعم. فلا بد لمن يعلم غيره أن يكون رحيما. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. فالله عز وجل il évoque que si le Nabi Sallam il aurait été dur, ça aurait été un sbab pour que les sahaba ils fuient, ils s'écartent de Nabi Sallam. فمن أسباب القبول قبول الدعوة الرحمة. من أسباب قبول الدعوة الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على غيره. الله عز وجل الرفيق إلى من الرفق لا دوسير. الله يدوي إلى من لا دوسير. Il donne يعني à la douceur dans la douceur ce qui donne pas dans la dureté et dans d'autres choses. لكن deux fois dans la dureté c'est ça la rahma. Celui qui est venu il a dit ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال أجعلت لي لله ندا؟ فغضب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. lorsque معاذ بن جبل رضي الله عنه تجاوز في العشاء إلى لؤلؤ البقرة. تمام. في كونس الحديث لنا. تمام. تجاوز في ذلك فقال البقرة. فإن personne parmi eux est sorti des rangs. Fait les sorties, il a fait la prière tout seul. Ibn Mu'adh, il a été averti de cela. Yani cette personne-là, elle est sortie de la prière. Il a dit ça, c'est un munafiq. Ça peut être qu'un munafiq. Et ensuite, il a entendu ça. Il est parti voir le prophète, alayhi sallam. Il a informé que Mu'adh, il a prétendu que j'étais un munafiq. Parce qu'il a lu le Baqara et j'ai vu que c'était trop long. Donc, je suis sorti et j'ai prié tout seul. فدعاه فقال فتان أنت يا Mu'adh فتان أنت يا Mu'adh فتان أنت يا Mu'adh ثلاث مرات فشدد عليه شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans certains yani, mawadi', il a fait preuve d'une douceur que fait l'haqiqa, autre que lui, ils auraient été durs. Comme l'Arabi, ce qui est venu et qui a pissé dans un coin de la mosquée. En fait, la qissa, il faut la connaître parce que la qissa, elle est hajiba. C'est-à-dire qu'il est venu, non, il est rentré dans la mosquée, il a pris rak'atin. Ensuite, il a dit Allahumma rahamni wa rahm Muhammadan, wa la tarham ma'ana ahadan abadan. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah azawajal qu'il fasse miséricorde, et il y avait les sahaba et les compagnons avec le Nabi sallam, qu'il fasse miséricorde à moi et Muhammad faqat et pas à d'autres personnes. Faqala Nabi sallam qad hajjarta wasi'an, t'as rendu limite sur ce qui est illimité. Rabbana wasi'ta kulla shay ilman wa rahma, fa rahmatullahi wasi'a. Et lui il a dit yarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan abadan. Ensuite il lui a dit non, Rahma, tu l'as limité alors qu'elle est illimitée. Somma, il est parti dans un coin, dans un coin du masjid. C'est la même histoire. Pour te dire, tu vois. Et ensuite, il est parti normal dans un coin, il est parti, il a uriné. Tu vois. Il est parti, il a uriné. Il a dit, Hadib, dites-nous, tu vois. Il a prié, rak'atayn, yani, ensuite il va uriner dans la mosquée. Yani. Ensuite, les sahabes, ils sont venus, ils ont voulu le... لا لا يعني يزدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه. تمام. إلى ليس لجسك سكيفينيس. dans certaines riwayah قال إنما بعثتم ميسرين وغير معسرين. تمام. vous avez été envoyé pour faciliter et non pas pour être dur, pour rendre la tâche difficile. Pourquoi? Parce que هذا الجاهل. il ignorait totalement يعني que les mosquées c'était pas fait pour cela, c'est pas des toilettes, des urinoirs. فإلى ليس يغني ينسيت إلى دي هذه المساجد لا ينبغي فيها شيء من البول والقدر وإنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة أو لقراءة القرآن وللصلاة. les mosquées ne sont pas faites pour cela. on ne doit pas uriner ni comment s'appelle faire les gros besoins. les mosquées sont faites pour la lecture du Coran et pour la prière. donc là il a fait preuve d'une douceur. يعني ouais, non, voilà, en plus, tu vois, donc. En plus de ça, ouais. Tu vois, ça peut chauffer les esprits. Ça peut chauffer les esprits. Il dit, ah, en plus, tu veux pas adorer, en plus, tu viens pisser dans la mosquée, attends. Et, il y en a trop, parce qu'ils ont dit, c'est le haqqa, yani, si jamais ils auraient voulu le réprimander, peut-être qu'ils auraient vu la awara. Ils seraient tournés, ils auraient uriné dans tous les coins de la mosquée après. Donc ça aurait été encore pire. Il y aurait mafsada qui aurait été encore pire. Donc, urine dans un même coin, comme ça au moins on peut nettoyer ce coin-là. Même si jamais il l'aurait fait dans tout le coin de la mosquée, khalas. Sur ses habits, sur les habits des sahaba, ça aurait été la faute. Ça c'était une dambi par rapport à Rahma. قال اعلم أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. La première des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ibn Adam, c'est le al-kufr bi-taghut, la mécréance au taghut, ou al-iman billah. Donc on a pu voir qu'est-ce que le kufr bi-taghut. C'est pas seulement yani al-shaytan, mais c'est pas seulement la mécréance. Al-kufr bi-taghut, fil haqiqa, c'est kullu ma yukhalif amr Allah azza wa jal. Tout ce qui contredit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Donc ça va de la petite marsiya jusqu'à al-kufr billah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit avoir une mécréance, il y en a pour toute chose qui est une désobéissance, c'est-à-dire on ne doit pas agréer. On ne doit pas agréer la désobéissance. Lakin, ha hona, il veut pour cela, rahimahullah ta'ala, ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il a ordonné, c'est al-imanu billah, c'est-à-dire at-tawhid, wa nahaha 'an ash-shirk. Ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir, ay fa'anzir 'an ash-shirk. Wa rabbaka fakabbir, akbir rabbaka bit-tawhid. C'est la première des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a été envoyé. Comme on dit, comme il a été envoyé. Parce que lorsqu'il était prophète, c'est les cinq premiers versets de Surat al-Iqra. Mais lorsqu'il est devenu Rasoul, les premiers ordres, quand il était Rasoul, c'est cette ayah-là. Les cinq premiers de Surat al-Mudathir. J'ai dit, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudathir, Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Fa yurid bidhalika wallahu a'lam, al-shirk billahi azza wa jal. Et hada c'est le bilijma'a. La première des choses dont l'insan doit faire lorsqu'il rentre dans l'islam, c'est de prononcer ash-shahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et comme on a pu voir, ash-shahadatain, ou shahadatu an la ilaha illallah, ça comporte le fait de mécroire au tagout. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَانْفِصَامَ لَهَا. Ça c'est bilijma' comme a dit l'imam Ibn Abi al-'Izz. La première des choses qui est demandé à l'abd, c'est de connaître le tawhid et de mécroire au shirk. Billahi subhanahu wa ta'ala. Et kathalika, en tout tarout. Et ça, ça demande yani, de talab al-ilm. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont il ignore yani, qui sont haram. La désobéissance, c'est un bab qui est large. Lakin, petit à petit, il apprend les choses qui sont interdites. Wa yakfur biha. Wa la yu'min biha min haythul amal. Et la ya'malu biha. Yakfur biha bima'na yatrukuha. Naham. والإيمان بالله فصون يبي يوكي أبخل الصفات من ذلك هو رحمه الله. كيس كو الإيمان بالله كيس كي ولو par le كفر بالطاغوت et كيس كي ولو par الإيمان بالله يبي يوكي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال والدليل قوله تعالى et la preuve qui montre que la première des choses dont Allah عز وجل a imposé على العالمين c'est le كفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أي فِي كُلِّ أُمَّةٍ dans chaque communauté رَسُولًا un envoyé أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ أَفَانْ دَدُوا عَلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أي وَحْدَهُ لَا شَرِكَنَا وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ et كُلِّ مَنْ يُخَلِفَ شَرْعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى حتى قال ابن باز قال اسم لكل باطل قال ابن باز كذلك اسم لكل باطل جاوبية ستبق الله تمسى اسم جامع Ouais, celui-là, j'ai oublié de le noter. Oui. Donc, al-batil, kadhalika, c'est hada. Wa shtanibul al-ta'ud bima'na al-batil. Wa awwal al-batil, c'est shak. Billahi azza wa jalla. C'est naqid min nawaqid islam. C'est naqid min nawaqid islam. Wa kadhalika, qulu subhanahu wa ta'ala, fa man yakfur bil-ta'ud wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisam laha. Cette ayah-là, kadhalika, yani, c'est un dalil de ce qui vient d'évoquer hahuna. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ma'na, al-ta'ud, c'est une des premières des choses dont al-abd doit connaître. Parce que c'est la première des choses dont il doit mécroire. Kama qala hahuna. Donc ça c'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est une des premières choses dont on doit connaître afin de mécroire. Donc ça, ça montre bien que cette chose-là elle est importante de connaître. Kama al-wajibat al-mutahattimat. Pourquoi la hahuna c'est mutahattim? C'est important de connaître ma'al ta'ud parce que c'est la première des choses dont on doit connaître. Et hahuna on évoque une chose, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wassabi. Rahimahullah, on peut dire Rahimahullah, c'est un musulman qui est mort sur l'islam, malgré qu'il est mort sur l'Hizbiya. N'aam. Lakin, qu'Allah le fasse miséricorde. Il avait posé une question à un des frères qui était venu à Hudayda, parce que c'était là-bas qu'il était, qui donnait les cours. Il a interrogé en plein public, en pleine assemblée. Il a fait le dars. Faqala ya fulan, ma huwa awwal wajibin yajib ala l'insan. C'est quoi la première des obligations? فقال الأخ فقال الإيمان بالله واجتناب الشرك فضحك وضحك من معه يعني il s'est mis à rire et les gens qui étaient aussi dans l'assemblée ils ont commencé à rigoler. Il a recommencé la question et le frère elle a répondu, tu vois, il a trouvé ça un peu bizarre. Il a dit c'est tawhid, c'est le fait de s'écarter du shirk. فقال لا, c'est pas ça la première obligation. Donc le frère il a été stupéfié, étonné, subhanallah. Il a dit la première des choses, c'est de al-kufru bi-tagut. Et la deuxième chose, c'est l'imanu billah. Ma hadha laysa bi-sahih. Hadha laysa bi-sahih. Al-kufru bi-tagut wa al-imanu billah, c'est un seul point. C'est la même obligation. Parce qu'il voit la ayah, faman yakfur bi-tagut wa yu'min billah. Fa Allah azza wa jalla, c'est comme si jamais il est en train de dire qu'Allah azza wa jalla a commencé par le kufru bi-tagut. Et ensuite il évoquait l'imanu billah. Là, qui ne l'a pas dit? فَمَا يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ ثُمَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Si jamais il aurait dit ثُمَّ نَعَمْ, là on aurait dit que الْكُفْرُ بِالْتَغُوتِ il précède, il y a l'imanu billah. Là, qui ne l'a dit? فَمَا يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Elle, waouh, il y a l'imanu billah. غالباً il a pas le sens du tartib, comme il parle. Maintenant, tu as dit جَاءَ مُحَمَّدٌ وَأَخُو. Muhammad et son frère sont venus. Le fait que j'ai précédé le nom de Mohammed, c'est-à-dire que c'est lui qui est venu en premier, non. Et là, ce que je stafed men al-jumla, c'est que Mohammed et son frère sont venus. Qui est venu en premier? Wallahu a'lam. Lakin les deux sont venus. Fa'alwa wa ha'huna la tufid al-tartib, abadan. La tufid al-tartib. Fa'hada khata. Le fait de dire ça. Que al-kufr al-tagut, c'est la première des choses. La chaque wa rayafi, que personne, yani, il ne peut pas avoir un iman billahi azzawajal si jamais il a quoi? Si jamais il a l'iman bi-tagut. La shak wa la rayba fi. Lakin, on dit comme Allah il a dit. C'est comme si tu dis la première des choses, c'est de connaître la ilaha. Parce que al-kufr bi-tagut bi-ma'na la ilaha. C'est faux. C'est un ensemble. La ilaha illallah, c'est un ensemble. On ne doit pas être dissocié. Ces deux arcanes et ces deux arcanes là doivent être appris en même temps. Enfin, ça c'est une erreur. De dire que la première des choses c'est le kufr bi-tagut. Et ensuite, c'est l'imanu billah. Alors, fil haqiqa, c'est une erreur de dire cela. C'est l'imanu billah ou le kufr bi-tagut, n'am. Ou bien l'inverse, comme qui m'achète. Enfin, Allah Azza wa Jalla, dans d'autres ayats, il a fait précéder l'ibada. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فالآن, il a fait précéder quoi? L'ibada, l'imanu billah. فَعَهُنَا قَدَّمَا عبادة الله توحيد ثم أخر بعد ذلك الكفر بالطاغوت كي الشرك بالله وعبد الله ولا تشرك به شيئا. ف ça c'est pour te dire que si jamais tu fais précéder وعبد الله يعني توحيد على الشرك بين الشرك على توحيد, ça pas de sens au niveau du tartib. نعم فهذا سنتين به. نعم الله مستعان. نعم المهم فقال رحمه الله تعالى قال فأما. Ils vont faire l'adhan là. Là, ils vont faire l'adhan. Khalli, inshallah. Parce que sinon, ça va. Les 55 là, ils vont pas tarder à faire l'adhan. Sinon, on va couper en plein milieu. Et si fait le kufr bi-tagut, il y a des choses à dire. On s'arrête là, inshallah. Oui, on s'arrête là. Une heure. Tamam. Nassallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq wa s-sadad.